philosophie de Bakounine, ben c'est pas difficile, hein, c'est que j'avais lu le livre de Gaston Leval, il est très bien, hein, ça, la pensée constructive de Gaston Leval, il est remarquable, hein, ce bouquin. Vous m'entendez là, ça va, oui? Oui, absolument remarquable. Mais Leval, c'était un économiste, et malheureusement, il manque des... je ne dis pas qu'il y a des lacunes, mais enfin, ce n'était pas son sujet, et quelquefois même la philosophie, il la met entre parenthèses en disant qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce gars-là, à propos de Bakounine, et il s'est servi de formules qui n'ont rien à voir avec la réalité, enfin, il a été assez critique à ce sujet. Et au fond, ce que j'ai écrit, c'est que me rendant compte de ce manque, eh bien, j'ai voulu montrer que Bakounine avait un esprit plus étendu que celui qu'on a voulu lui donner, quoi, sous Leval. Hein. J'adore Leval, hein, ça. Je l'ai même vu en 68, là, ce brave garçon, il avait 79 ans à ce moment-là, je crois bien quelque chose comme ça, il était à côté de la salle des sociétés savantes pendant les événements de mai, là, il discutait sur les problèmes. Ce qu'il y a, c'est qu'il avait un esprit un peu, bon, ben, je ne dis pas vieux, mais par rapport à des idées qui se manifestaient par slogan, à ce moment-là, c'était le règne du slogan. Eh bien, lui, quand il essayait d'expliquer ci ou ça avec des arguments et autres, eh bien, son discours, malheureusement, il n'avait pas l'air de bien porter, quoi. C'est ce que j'ai voulu dire. Mais enfin, c'est pas ça que je lui reproche, mais c'est, j'ai voulu compléter, si vous voulez, mon travail, c'était de compléter ce qu'il a pu écrire dans ce bouquin. Alors, le Bakounine, je vais m'intéresser premièrement à sa formation. Hein. Il a une formation philosophique. Ça, alors là, il a baigné là-dedans, c'était son bain journalier, même tout au long de toutes les heures du jour. Et il a quand même étudié 10 ou 12 ans la philosophie, et il n'a pas cessé. Hein. Puis alors, il était dans un milieu qui ne faisait que ça. D'ailleurs, lui-même, son idée, c'était d'être professeur d'histoire ou de philosophie. Il choisissait. Hein. Enfin, il avait l'air de vouloir choisir, il ne savait pas quoi choisir. Mais enfin, on s'apercevra que même que ce soit dans ses idées, il n'a fait que, quand il a fait de la propagande, comme il dit, eh bien il n'a fait que de l'enseignement de la philosophie et de l'histoire. Philosophie, quelquefois, et histoire, qu'il a voulu mettre en pratique. C'est-à-dire que quand, quelquefois, il est intervenu dans les événements, eh bien c'était son histoire et sa philosophie qu'il mettait en pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, j'ai regardé quelques documents au sujet de sa formation. Alors, dans sa notice biographique, je commence par boire. Alors. Boire. C'est pas le prochain, ça. Ah oui, avant, je voulais dire. L'eau de Marseille, elle est filtrée, elle est très bonne, on n'a pas besoin de. Mais c'est toujours très bon, l'eau. Je vais dire aussi, c'est qu'à un certain moment, à la fin de sa vie, il voulait faire, enfin, quand il était vieux, tout ça. Il voulait faire un travail qu'il n'a pas pu faire, c'est sur l'éthique, un travail d'éthique. Et il voulait faire un travail d'éthique, mais sans phrase philosophique. C'est-à-dire que c'était philosophique, si vous voulez, mais comme il voulait la mettre à la portée de tout le monde, eh bien, il n'y aurait pas eu des phrases philosophiques, mais ça ne voulait pas dire que en dessous n'était pas sous-tendu, enfin, je veux dire, quelque chose qui lui servirait de trame ou de, je sais pas quoi, de dessin préliminaire ou n'importe quoi, la philosophie n'était pas absente. Alors, je vais vous montrer justement sa formation philosophique. Alors, s'il y a des choses qui vous semblent un peu nébuleuses, je vous demande d'intervenir, hein. Parce que moi aussi, je m'efforçais comme Bakounine d'essayer d'être le plus simple possible, que ce soit compréhensible à n'importe qui, même à un gosse de 10 ans, pourquoi pas, on peut apprendre la philosophie peut-être à un gosse de 10 ans, on peut commencer par ça. Alors, je cite de James Guillaume, vous savez que James Guillaume a été un peu ce qu'on a appelé l'âme damnée de Bakounine, comme Engel avec celle de Marx, quoi, c'était des gens qui étaient un peu les secrétaires, quoi, les secrétaires du grand homme, hein. Alors, il s'explique dans une préface du tome 2 des œuvres. Hein. Il a fait publier 6 œuvres de Bakounine, James Guillaume. Alors, c'était au lendemain de l'écrasement de l'insurrection polonaise. Bakounine était à l'armée à 20 ans. il se préparait à changer d'orientation. Alors, il était officier à ce moment-là. Il faut dire que Bakounine était quand même fils d'un comte de Russie. Enfin, il faisait partie de l'intelligentsia russe. Et il faisait des études. D'ailleurs, il aurait fait des études pour être théoriquement parmi les potentats de la Russie d'alors. Mais alors, c'est ça, le spectacle de la Pologne terrorisée agit puissamment sur le cœur du jeune officier et contribua à inspirer l'horreur du despotisme. Au bout de 2 ans, renonçant à sa carrière militaire, il donna sa démission en 1834, donc il avait 20 ans, c'est bien ça, il est né en 1814, et se rendit à Moscou. C'est dans cette ville qu'il passa 6 années qui suivirent. Il se livra à l'étude de la philo, après avoir commencé par la lecture des encyclopédistes français. Il s'enthousiasma ainsi que ses amis Stankevitch et Belinsky pour Fichte, dont il traduit en 1836. Alors là, Guillaume, c'est un Suisse, hein, il parle aussi bien l'anglais, l'italien, le français que l'allemand. Et alors là, il faut quoi, les Wolens, Gunnberdi, Bestilming, Der Geterten, je ne sais pas quoi, enfin, je vois un titre de Schilling. Alors. De Fichte. Je vais vous montrer simplement, c'est un seul exemple que je prendrai, hein, pour vous montrer par exemple le type de personnage qu'il étudiait. Hein. Alors, Fichte, l'œuvre de sa vie, alors j'ai pris ça dans le dictionnaire, hein. Disciple de Kant et maître de Schilling, son système dérivé d'abord de Kant finit par devenir un idéalisme absolu où il n'est de réalité que le moi. En plus, il a fait des réflexions sur la liberté. Mais sa seconde manière, c'est la théorie de l'absolu. Alors, il a étudié la philo du droit naturel, mais il est assez important quand même, parce qu'il a étudié la genèse de la conscience sociale, en faveur justement de la réalité du moi, et il préfigure la psychologie et la sociologie. Donc, c'est préfigure. Donc, c'était un des personnages qui s'est intéressé forcément aux choses de son époque et puis qui a une suite, enfin ses idées philosophiques ont eu une suite. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On y voit idéalisme absolu, le moi, la genèse de la conscience sociale, philosophie du droit naturel, on y voit tous les thèmes qui vont être abordés par Bakounine. En plus, comme quoi je voulais montrer par là que Bakounine a quand même été impressionné par les études qu'il a fait, et quand il a traduit un bouquin de ce garçon, là, enfin de son maître, Fichte, ben on s'aperçoit qu'il allait très loin, quoi. Bon, alors là, 35. Alors, ça j'ai pris ça dans un autre document. Comme l'intelligentsia de l'époque, Bakounine est saisi par la fièvre schelligienne. Alors, voilà ce qu'il écrivait. Hein. La vie d'un homme, comme celle de l'humanité, est un développement constitutif, consécutif et progressif de tous les sentiments et de toutes les idées. C'est une éternelle aspiration d'une parcelle vers un tout. Amour pour les hommes, pour l'humanité, et aspiration du tout à la perfection. Alors, ça, c'est un autre terme. Dont les principales idées de la vie, de ces trois idées, ne font qu'une, les différentes expressions de l'idée unique, créatrice et éternelle qui se nomme Dieu. Enfin, vous voyez, c'est un déiste à quoi. Bon, à ce moment-là, c'était la philosophie déiste qui. Bon, alors, il se passionne pour. Ensuite, après Fichte, c'est ça, oui, pour la béatitude suprême. Alors là, franchement. qui se trouve sa récompense dans un amour consacré à Dieu. Vous voyez, il allait loin. Hein. Je ne vais quand même pas trop en faire, hein, mais c'est simplement un exemple, hein, pour montrer comment il était imprégné par des idées et ce qui en a ensuite découlé. C'est à quelle époque ça? Alors, je ne l'ai pas dit, 1835. 1835, il avait 21 ans. C'est sa démarche première. Quoi. C'est ça, oui, mais c'est ce que je vais expliquer, c'est sa formation. Hein. Voilà, d'accord. Hein, oui, ben, tu as raison de le dire. Alors, Stankevitch, un de ses amis que j'ai cité d'ailleurs, son ami d'alors, qui mourra à 27 ans, décide de renouveler la direction de Bakounine. À chaque fois, il a été poussé par d'autres. Il lui fait connaître Engel de 1837 à 1839. Alors, il entreprend de lire la phénoménologie de l'esprit, la logique, l'encyclopédie, la philosophie du droit, la philo de l'histoire. Interprétant la philosophie de Hegel comme une religion nouvelle, il commence par se fondre dans la vie de l'absolu. Alors ça, c'était la philosophie hegelienne. Il avait déjà commencé par l'absolu de Fichte, il continue par l'absolu de Hegel. Alors c'est amusant parce que là, c'est extrait d'une lettre qu'il écrit à ses sœurs. Vous discutez trop de vous-même. Vous rongez votre frein, pensez que deux mois cohabitent en vous, l'un qui est vrai, inconscient et infini, c'est votre substance, et l'autre qui est conscient et fini, c'est votre définition subjective. Vous voyez le style de philosophie qu'il employait à cette époque-là, de langage philosophique qu'il employait à cette époque-là. Rendre subjectif ce qui était substantiel en nous, c'est-à-dire élever notre subjectivité à sa substance et la faire infinie. Vous êtes des braves filles, vous portez l'infini en vous, ne craignez donc rien, mais croyez, aimez, méditez et allez courageusement au-devant. Alors, vous voyez les spéculations. Hein. Non, mais je vous le dis simplement, je ne sais pas si ça vous gêne que j'entreprenne des exemples comme ça qui sont... Non, qui sont des étapes de son évolution. Alors, c'est là où ça va se corser, c'est qu'il livrait ses réflexions et spéculations philosophiques. Il écrit tout vie à cette époque-là, vers les années 35-36. Tout vit, tout est rendu vivant par l'esprit. Ce n'est que pour des yeux morts que la réalité est morte. La réalité est la vie éternelle de Dieu. Enfin, ce que je veux montrer aussi, c'est que, il est revenu de très loin. Il est revenu apparemment de très loin. Alors, il s'arrête sur une phrase de Hegel, « Tout ce qui est réel est rationnel. » Ce qui voulait justifier, enfin ce qui faisait que Hegel justifiait l'état présent de la société, la misère, la puissance de Frédéric Guillaume, ce que son ami Bielinski résumait, je regarde la réalité et j'ai tant méprisé jadis, parce que j'ai compris son caractère rationnel, parce que je comprends qu'il ne faut rien en retirer, qu'il ne faut rien en changer. Il voulait dire par là que la réalité, il en arrivait par les spéculations philosophiques à montrer que la réalité, tout ce qui était dans la réalité, c'était bien. Quoi. Ce qui faisait dire à Herzen, qui était déjà en avance sur eux, la phrase en question légitimait les pouvoirs existants et condamnait l'homme à rester les bras croisés. C'est précisément là que voulaient les bouddhistes prussiens. Quoique cette manière de voir fût tout à fait contraire à l'esprit russe, nos hégéliens moscovites l'adoptèrent dans leur naïf aveuglement. Là, on était en 39. Enfin, Herzen sera un ami de Bakounine toute sa vie. Hein. Il faut dire également qu'en Russie, on méprisait l'esprit français dans la coterie de Bakounine parce qu'il avait été à l'origine de la révolution. Ils avaient été à l'origine de la révolution qui avait mis un désordre dans l'esprit, dans le pouvoir et dans tous les agents du pouvoir. Et l'esprit français était banni, ils préféraient l'esprit, surtout les philosophes allemands, à ce moment-là, qui prenaient la réaction. Alors, on est ahuri de voir ce qu'écrivait Bakounine en 1840, à 26 ans. Les Français ne veulent plus connaître le christianisme. La dernière étincelle de religion s'est éteinte chez eux. La révolution a emporté avec elle le bonheur et la tranquillité de la France. Vous voyez, Alors là, ça c'était l'atmosphère de Moscou. Hein. C'était l'atmosphère dans laquelle il avait... qu'il avait respiré à Moscou. Alors, en 1840, il part pour l'Allemagne. Alors, impatient avec ses idées hegeliennes de former à l'université de Berlin, qui était célèbre parce que Hegel y avait enseigné jusqu'à 1830, on sait que la période 1840 à 1842 est cruciale pour la vie de Bakounine, pour les idées, parce qu'il se précisera chez lui cette vocation à la révolte. On constate tout d'abord que ces deux années les plus importantes de sa vie se placent sous le signe exclusif de la philo. Hein, toujours philosophe. Quand il fera sa confession vers 52 ou 53 en Russie, qu'il écrira un livre aux tsars, je ne sais pas, vous connaissez cet épisode, là, il était enfermé à Pierre et Paul et le tsar était venu lui demander d'écrire et de divulguer à tous ses amis et puis d'écrire sur ses idées. Alors il écrira aux tsars, donc je restais éloigné ainsi que d'ailleurs antérieurement en Russie de toutes les questions politiques que je méprisais même. Mais j'étudiais les sciences, plus spécialement la métaphysique allemande, dans laquelle je me suis plongé exclusivement, presque jusqu'à la folie, et nuit et jour, je ne voyais rien d'autre que les catégories de Hegel. Ce que je... c'est ce que je veux montrer ici, avant la conversion de Bakounine, c'est qu'il est arrivé par le cheminement de sa pensée philosophique, en premier lieu, mais également par son tempérament. Il faut un tempérament, disait... je fais un parallèle avec Cézanne, hein. J'insiste beaucoup sur la nature de tempérament, parce qu'au fond, qu'est-ce qui a fait changer Bakounine? C'est son tempérament, hein. Il avait besoin d'action. Hein. D'ailleurs, on va le trouver cherchant l'action après. Hein. La philosophie ne sera plus le but de sa vie. Hein. Alors, parmi les plusieurs influences et qui ont permis à Bakounine de changer, on peut signer Werder. Alors, Werder, c'était, comme le dit Arvon, Werder, c'était, si vous voulez, quelqu'un qui allait encore plus loin que tout le monde vers l'abstraction. Et loin de refléter une activité véritable. Ah oui, alors c'est Bakounine qui juge ça. Il voit ce Werder, et puis ce monsieur Werder commence à dire, alors qu'il avait espéré tout voir en Allemagne, à approfondir ses idées et autres, et il s'aperçoit que c'était un personnage complètement pusillanime, qui n'avait aucune hardiesse, aucun intérêt, quoi. Et à la suite de ça, on voit qu'il écrit toujours dans les confessions. D'ailleurs, l'Allemagne elle-même, écrivait Bakounine, m'a guéri de la maladie philosophique qui est préliminée après avoir étudié de près les problèmes métaphysiques. Je n'ai pas tardé à me convaincre de la nullité et la vanité de toute métaphysique. J'y cherchais la vie, elle ne contenait que la mort et l'ennui. J'y cherchais l'action, rien n'était qu'inactivité absolue. Alors, à la suite de ça, il rencontre Ruth. Ruth, c'est important parce que il était très implanté dans la gauche hegélienne, qui avait sauté le pas et qui ensuite... d'ailleurs, il dit « Je cherchais la vie, elle ne contenait que la mort et l'ennui, j'y cherchais l'action. » Vous voyez, c'est le tempérament, l'action. Hein, c'est ça qui donnera à Bakounine les leitmotifs de sa manière de vivre. Alors, je vous disais que Ruth, voit arriver Bakounine. Et il était très important parce que, comme je vous ai dit, il faisait partie de la gauche hegélienne. Et ensuite, il avait créé ce qu'on a un journal dans lequel cette gauche écrivait. Ça s'appelait Les Annales Allemandes. Hein. Et Ruth voit arriver Bakounine en 1876. Tu as cité plusieurs fois Bakounine. Je crois que tu voulais citer Kropotkine, non? Non, c'est Bakounine. Bakounine. Ah non, c'est lui. Bon, mais ça va. Non, Bakounine. Attendez, je me souviens. Non. Oui, c'est bien écrit. Oui, c'est ça. Tu parles de Bakounine. Hein. Oui, Bakounine. Mais là, une fois, tu as cité Bakounine. Et il m'a semblé que tu voulais parler de quelqu'un d'autre. Bakounine a eu l'intention de traiter de l'éthique. Bakounine a essayé de vouloir traiter à la fin de sa vie. Il l'a fait de sa vie. Mais Kropotkine, lui, a... Lui, il l'a fait, oui. Lui, il l'a fait. D'ailleurs, entre parenthèses, je n'ai pas trouvé Bakounine, Kropotkine gentil, parce qu'au fait, bon, il aurait dû se servir du système de Bakounine. Et en fait, il le cite même pas une seule fois. Il cite Proudhon, oui, mais pas ni Stirner, ni Bakounine. Bon, alors... revenons à Rutsch qui donne une image de ce que représentait pour lui Bakounine à cette époque-là. Il se jeta à corps perdu dans le mouvement intellectuel allemand, après qu'à Berlin, alors ça se passait à Dresde, quoi. Il eut connu la philosophie hégélienne, mais qu'il se fut approprié également la dialectique vivante, cette âme créatrice de l'univers. Il me rendit visite à Dresde, où je publiais les annales allemandes et se mit d'accord avec moi sur la transformation de la théorie abstraite en pratique sur la révolution imminente. Si vous voyez, là, il a complètement changé, hein. Il a complètement changé, quand même. Heureusement. Oui. Alors, ça, c'était en 42, hein. Ça, c'était en 42. Alors, parmi les personnes qui l'ont fait changer, c'était Feuerbach. Je le cite aussi parce qu'il est très important. Dans son ouvrage « L'essence du christianisme », paru en novembre 1941, celui qui, d'après Engel lui-même, brisa le système et fit de tous momentanément de Feuerbach l'auteur du matérialisme, mais de la sociologie psychologique aux tendances athéistes et humanistes. Toute religion n'est autre chose que l'auto-déification de l'humanité. Voilà, c'était la théorie de Feuerbach. Ce que l'homme connaît de Dieu, c'est le savoir de lui-même. La religion est la révélation solennelle des trésors cachés du cœur humain, l'aveu des plus intimes pensées, la confession publique de ses secrets d'amour. Pour Feuerbach, Dieu se transforme en les recherches sur Dieu se transforment en psychologie. C'est-à-dire qu'on y voit son image inversée. D'ailleurs, Bakounine reprendra souvent cette formule. Et alors, comme je vous disais, l'idée de Dieu se transforme en psychologie pour l'homme. Quand il s'agit de société, le secret de la théologie n'est autre que l'anthropologie. Le vrai rapport entre Dieu et l'homme doit être rétabli, ce qui est considéré comme le premier par la religion, Dieu, doit être programmé comme le second. L'homme doit être programmé comme le premier. Enfin voilà de quoi est parti ce qu'on a appelé la gauche hegelienne. Hein. On est obligé d'en parler là pour avoir une connaissance plus approfondie. Je me suis trompé. Enfin bon, je suis quand même dans l'esprit. Ah oui, c'était au sujet de Ruge qui a été un catalyseur pour Bakounine, quoi. Qui parle d'action vivante à ce moment-là. La philosophie n'en fait qu'interpréter le monde de manière différente, mais non de le transformer. Enfin, vous voyez, l'idée d'action toujours deviendra chez Bakounine et chez Marx aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'était plus question, à la suite des études qu'il faisait et puis des conversations qu'ils avaient, il ne s'agissait plus d'interpréter le monde, mais de le transformer. C'est ça à quoi ça aboutit, hein, la gauche hegelienne. Alors, à la fin de cette période, il écrit son fameux article qui est écrit dans les annales allemandes, ça date de 1841-1842. Et là, bon, bah, il fait une interprétation hegelienne, de... mais avec Hegel, si vous voulez, un peu comme, je ne sais pas qui avait dit ça, c'est Engels qui avait dit que Dieu était sur la tête, et puis ils ont remis, la dialectique plutôt de Hegel était sur la tête, et puis ils l'ont mis sur les pieds. Bon, c'est des brouillons que j'ai faits, j'ai pas pu, comment pourrait-on dire, mettre ça très en ordre. Et alors, bon, ben, on reprend Bakounine, là. Toujours dans ses confessions, il écrit « Il y avait un temps où je m'occupais uniquement de philo. Je ne pensais qu'à l'absolu, je ne prononçais pas un mot sans verser dans les expressions les plus abstraites, sujet, objet, auto-devenir, de l'idée, enfin, je sais pas quoi. Il y eut même un moment de folie où il me parut que je comprenais et que je savais quelque chose. En revenant bientôt à la vie, à la raison, je compris finalement que la vie, l'amour et l'action ne pouvaient être saisis par la vie, par l'amour et par l'action. Je renonçais alors définitivement à la science transcendantale et je me jetais tête baissée dans la vie pratique. Alors, cette vie pratique... Oh, je ne peux pas me parler, il a fait un grand discours sur sa manière de... Ça pourrait être Patrick. Alors, il écrit un article qu'il signe Jules Elizard et qui s'appelle, dans les annales allemandes, justement, de Rutsch, qui s'appelle « De la réaction en Allemagne ». Et là, il va tellement loin, c'est que, bon, ben, je ne vous dis rien, c'est qu'il étudie la société allemande. C'était baigné également de la dialectique hegelienne dans laquelle il faisait intervenir que, si vous voulez, il y avait la réaction, les révolutionnaires devaient se lancer contre la réaction. La réaction quand on prenait le pôle positif, que les révolutionnaires posaient le pôle négatif et qu'on devrait, pour ainsi dire, couvrir tout le pôle positif, enfin le pôle négatif devait couvrir tout le pôle négatif de façon à arriver à une synthèse. Oui, le pôle négatif devrait couvrir tout le positif pour arriver à une synthèse. C'est là que je vais vous donner un peu quelques idées sur les idées de dialectique, quoi, parce que enfin, on ne pourrait pas comprendre, peut-être pas ce qui va suivre, mais enfin, ce que... non, mais je le dirai plus tard. Hein. Alors, on voit ici que... Alors, il termine, d'ailleurs, il va tellement loin que... Il va tellement loin. Parce que, bon, il confie ça dans les annales allemandes, qu'il fallait détruire donc la réaction. Confions-nous à l'esprit éternel qui n'est détruit et n'anéantit que parce qu'elle est la source insondable et éternellement créatrice de toute vie. Le désir de destruction est en même temps un désir créateur. C'est-à-dire que justement, c'est embrayé sur la philosophie hegelienne, ça. Alors, si vous voulez, bon, ben, il fallait détruire la réaction, il le mettait en langage philosophique, évidemment, hein, de son époque, là. Mais il emploie toujours des termes, quand même. Confions-nous donc à l'esprit éternel. Alors, l'esprit éternel, ça, on peut mettre des points d'exclamation. Hein. Vous voyez, il avait, même en devenant révolutionnaire, il avait toujours un langage philosophique qui était loin des tout à fait loin des réalités. Quoi. Ce que j'ai voulu montrer également. Alors... Là, je vais mettre quand même de l'ordre dans les affaires. Là. Parce que j'ai pris des documents un peu partout et puis je ne les ai pas. Je n'ai pas donné une continuité. Tu as bien une opinion personnelle sur tout ce que tu as dit dans ce moment-là. Ah oui, ben je sais, je comprends. Moi, je sais très bien. Oui, ben, c'est ça. Alors on va voir ça. Ça, c'était sa formation. On va en chercher. Alors, hein. Tu recherches un peu ce qu'il est devenu par rapport à lui. Ah oui, ben, c'est ce que je vais faire. Hein, c'est ce que je vais faire. Voilà. J'arrive justement, c'est un morceau où j'avais noté cette affaire-là et que j'arrive pas à trouver, oui. puisqu'il s'agit de philosophie, il semblerait que Bakounine rejette presque totalement la philosophie. Alors que bon, c'est pas le cas. Non, il emploie les termes philosophiques. Non, il emploie les termes philosophiques. Il parle de rentrer dans l'action, de... Bon, c'est ça, oui. C'est oui, la oui. vie qui compte, c'est l'expérience. C'est ça, oui, voilà, mais c'est ça. C'est quand même sur fond de philosophie. Ah oui, c'est ce que je te dis. C'est ce que j'ai voulu dire, justement. Tu vois, quand il dit, pardon, confions-nous à l'esprit éternel, qui ne détruit et n'anéantit que parce qu'il est la source insondable et éternellement créatrice de toute vie, c'est-à-dire qu'il y a, ça crée la, toute vie. Le désir de destruction est en même temps un désir créateur. Premièrement, il se sert de la méthode dialectique pour expliquer son... C'était une affaire d'intellectuel, hein, les annales allemandes, c'était une affaire d'intellectuel. Et quand il emploie des expressions, confions-nous donc à l'esprit éternel. Alors l'esprit éternel, c'est quand même du langage philosophique et en plus même du langage idéaliste, quoi. Oui, du langage, c'était pas du tout un langage. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je me suis pas exprimé. Non, ce n'était pas le matérialisme encore, quoi. Il n'avait pas abouti au matérialisme. Et est-ce qu'il a étudié Épicure? Ah oui. Il a fait 6 ans ou 10 ans de philosophie. Il avait tu le verras tout à l'heure d'ailleurs, hein, tu le verras tout à l'heure quand on va étudier l'idée d'autorité et puis la place de la philosophie à travers tous les siècles. Oui, il connaissait aussi bien Platon, le trajet intellectuel de Bakounine à ce moment-là. Alors, il résume ce trajet de cette manière. Alors, l'évolution psychologique qui à cette époque s'est opérée en lui et a amené ce conservateur hegelien qui s'inclinait alors devant la raison d'être de la vie russe sous Nicolas Ier et à se faire non seulement l'apôtre du socialisme, mais plus encore à devenir un révolutionnaire fervent passant de la philosophie abstraite allemande au slavisme et à la révolution sociale, cette évolution reste incompréhensible, enfin pour Dragunov. Alors, en fait, moi, je dis que Dragunov a bien raison lorsqu'il parle d'évolution psychologique mise en regard de l'évolution des idées de Bakounine, toujours en effervescence. C'est parce qu'il laissait parler son cœur, quoi, même avec exagération. On se rappelle un épisode de sa vie. Un militant lyonnais à l'époque de la Commune, hein, pour montrer la manière dont Bakounine faisait parler son cœur. Il parlait à ce moment-là de la sortie des forces mauvaises dans l'individu pour lui donner de l'énergie, pour lui donner renverser les États, l'Église avec violence. Alors il y a Palix, un révolutionnaire lyonnais, qui lui a répondu contre l'appel aux passions mauvaises pour promouvoir la révolution. Pour moi, c'était écrié Palix, je pense qu'un brigandage n'en justifie pas un autre. Si je dois simplement assister à un combat entre un tigre royal et une panthère noire, la révolution ne m'intéresse plus et je me retire avec dégoût. Je n'y vois que la continuation des rivalités physiques brutales qui se succèdent comme dans une machine idiote tout le long de l'évolution sociologique. Ce que vous voulez, c'est la révolte contre les iniquités, contre les inégalités qui les sanctionnent. Mais cette révolte-là, vous ne pouvez la faire avec des êtres, quelque exploités qu'ils aient pu être, quand ils ont les mêmes défauts que ceux qui exploitent. Car si ces êtres inférieurs triomphent, il existera dans leur propre rang les mêmes causes de rivalité, de haine, d'hypocrisie sociale qui existent aujourd'hui. Vous êtes donc obligé de vous appuyer sur les hommes qui ont une conception de la justice sociale, le sentiment de dignité et d'un devoir à remplir, qui croient en la solidarité humaine et qui sentent bien enracinés en eux la résolution de lutter contre toutes les infamies et de mourir au besoin pour les défendre de leur idéal. Alors, l'auteur qui avait assisté à la scène, à peine Palix avait-il achevé de parler que Bakounine le prenait dans ses bras. Merci, tu m'as donné une bonne leçon. C'est cité par Fernand Rude de La guerre à la Commune. Alors, c'est justement au point de vue psychologique. on s'est occupé là de problèmes psychologiques. Ruth d'ailleurs continue, il est difficile de cerner la pensée de Bakounine qui oscille constamment entre son autoritarisme et son anarchisme, parce qu'on considère que l'autoritarisme, la manière dont il veut s'en prendre renverser les institutions, les institutions en place, eh bien bon, ben, c'est n'importe quel moyen, quoi. Enfin, c'est ce qu'il a l'air de montrer. Il est difficile de cerner la pensée de Bakounine qui oscille constamment entre son autoritarisme et son anarchisme, entre autorité et liberté. Et il laisse parler Bakounine. Parce que dans la nature, l'ordre sans la lutte, c'est la mort. Bakounine a cherché à son tour une synthèse ou un équilibre des contradictions économiques et politiques, de l'autorité et de la liberté, de la thèse et de l'antithèse. Alors, la thèse de Bakounine, ça, alors là, c'est, ce sera, enfin, là, avant qu'on rentre dans la réalité, hein, je vais vous parler un peu des écrits philosophiques qu'il a pu produire, surtout sur le domaine de l'autorité. Là, par exemple, il cite, enfin, c'est Fernand Rude qui traduit. Alors, thèse, c'était étatisme ou centralisation. Antithèse, anarchie ou amorphisme. Alors, l'amorphisme, si vous voulez, c'est, y a tout un tas d'états solides, comment on appelle ça, l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Et l'amorphisme, c'est, enfin, en point de vue dictionnaire, quoi, c'est ce qui n'est pas arrivé encore à l'état solide, enfin, ce qui ne s'est pas encore qui s'est pas réalisé, c'est ça, exactement. Alors, et la synthèse, alors, il imagine les communes autonomes. Il croyait avoir réussi à équilibrer ce couple de forces, autorité-liberté. Je reçois et je donne, telle est la vie humaine. Chacun est à la fois autorité dirigeante et chacun est dirigé à son tour. Il n'y a point d'autorité fixe et constante, mais un échange continu d'autorité et de subordination mutuelle, passagère et surtout volontaire. Et Bakounine ensuite, quand il rompra des lances avec Victor Cousin, le père de l'éclectisme français qui essayait de constituer une philosophie de l'État, une nouvelle philosophie de l'État, prétendait réconcilier le principe d'autorité et celui de liberté. Principes qui sont absolument opposés au point de s'exclure, dit Victor Cousin, et qui pourtant sont tellement parallèles l'un à l'autre que l'un ne saurait exister sans l'autre. Se marient dans la liberté politique et juridique, but de l'État. Réponse de Bakounine, les deux principales se marient si bien dans l'État que le premier détruit toujours le second, esclavage pour tous et privilège pour quelques-uns. Raison de plus pour détruire l'État, le dissoudre dans la société. Bon, ben, je crois que on en a fait... Oui, je voulais vous parler de la dialectique pour en dire un mot, parce que quelquefois, bon, ben, vous verrez que il entamera. Je ne sais pas si je parle. Quand il met. Enfin, vous voyez, c'est un technicien, quoi. C'est un technicien de la philosophie, quand même, qui établit ces trucs-là. Thèse, étatisme, antithèse, anarchie, synthèse, fédération. Ça, c'est cité par Fernand Ruge, qui nous montre Bakounine discutant avec ses jeunes élèves, reprenant les vieilles trilogies hegeliennes. Vous voyez, Oui, d'accord. Alors, si vous voulez, pour lui, je crois que pour lui, la dialectique, c'était une méthode. Hein, c'était une méthode qui, pas juste, hein, pas forcément juste, mais qui aidait amplement à faire comprendre, à visualiser une idée, et puis on pouvait s'en servir, d'ailleurs, maintenant, je crois que dans certains endroits, que ce soit pas la psychologie, ni l'art, ni tous ces trucs-là, dans la sociologie, c'est très important, dans l'étude des sciences humaines, ça a beaucoup d'importance pour l'étude des sciences humaines. Alors, dialectique. Dialectique, eh ben ça c'est... Oui, ben j'avais écrit un truc là-dessus, mais je vais vous expliquer comme ça, visuellement. C'est-à-dire qu'au fond, on veut voir ce qu'il est, le truc. Je vais vous expliquer la dialectique, c'est toujours, on explique une idée par une autre. Il y a par exemple, quand il s'était agi de constituer, enfin, quand la Renaissance, les artistes de la Renaissance ont constitué un art nouveau, eh bien, ils se sont servis de ce qu'on a appelé la perspective. La perspective, qu'est-ce que c'était? C'était une méthode pour donner l'idée d'espace, l'idée de profondeur. L'idée de profondeur, alors je prends un chemin normal comme ça, voyez, bon, ben, ce chemin, il y a un arbre. Pour donner l'esprit du deuxième arbre, okay, alors on trace deux arbres. Si vous voulez passer la position du troisième, on se sert pour ainsi dire du sommet du premier au milieu du second pour arriver à bâtir le troisième. Vous voyez, c'est une méthode, hein, ça, pour donner l'illusion de la perspective, parce que la perspective, ce n'est qu'une illusion. D'ailleurs, l'art moderne l'a amplement supprimé, cette affaire-là. Mais enfin, à une certaine époque, les artistes ont eu besoin pour une représentation de l'espace, de se trouver quelque chose qui correspondait le plus à la réalité. C'est, si vous voulez, c'est pas la réalité même, mais c'est quelque chose qui approche de cette réalité. Et bon, ben, la dialectique, c'était la même chose. Alors, il y a plusieurs sortes de dialectiques. C'était, si vous voulez, celle de Hegel. Alors, il y avait deux forces antagonistes, une force qui naissait, qui était en relation avec la première. Elle parcourait un chemin, ou alors, en ce sens, elle parcourait un chemin, et elle revenait à son point. Quand la première force a été battue, elle revenait au point de départ. Et ensuite, bon, il y avait à ce moment-là une évolution. Évolution. Hein? Non, je ne sais même plus le dire avec ça. Quantitative. Ah, qualitative. Alors, bon, c'était chez Hegel, si vous voulez, la théorie du cercle. Tandis que je crois qu'il y a une autre méthode qui a été conçue par d'autres personnages, mais qui aide beaucoup plus à comprendre. Bon, l'évolution, c'est une spirale, quoi. On prend un point de départ, ensuite, il y a une force ici, deux forces qui sont en présence, il y a une évolution, et on se retrouve à un niveau supérieur. On voit mieux l'évolution quantitative, vous voyez, que dans l'ancien système. Parce que dans ce cercle, ça tournait toujours. Enfin, il y avait un cercle et puis une nouvelle force qui traînait. Enfin, il y a une nouvelle contradiction. La nouvelle contradiction se déploie et on arrive à une autre évolution quantitative. C'est-à-dire que l'univers n'est plus fixe, il est mouvant. Comme disait Rafik, je ne sais pas quoi, on ne se baigne jamais dans une rivière. Il n'y a rien d'éternel. De ce fait, il n'y a rien d'éternel parce qu'à mesure même que quelque chose comme une idée anarchiste règne sur Terre, il y aura une autre contradiction qui est en devenir, je ne sais pas laquelle. Rien n'est jamais fini. Il y a toujours une évolution qui. Autrement dit, il y a un monde. Rien n'est sacré. C'est pour ça qu'on peut dire que rien. Chez nous, on dit. Oui. Après l'anarchie, il y a encore autre anarchie. Oh, il y a plus d'anarchie. Ah, oui. Donc c'est ça, c'est l'évolution. Voilà, c'est ça, oui, voilà, c'est ce que j'ai voulu faire comprendre. Alors, j'ai mis ça là. Parce que ça, c'est le système de Proudhon, ça. Ça ressemble d'ailleurs à un système de comment on appelle ça, d'ailleurs, du taoïsme, c'est ça, oui, hein, du taoïsme. Et le système de Proudhon, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait des forces ici, qui étaient toujours en lutte avec les forces d'ici. ici. On arrivait, si vous voulez, toujours à une solution d'équilibre. C'était justement la bagarre de ces forces, éternelle de ces forces, qui faisait en sorte que la société se mouvait, bougeait. Vous voyez, ça c'était la manière dialectique de Proudhon. C'est ça, c'est qu'il reste toujours. Voilà, c'est ça. Il y a des principes féminins masculins, c'est ça. Et dans chacun, le petit rond est la couleur opposée. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je les ai mis en fait. J'aurais dû le mettre là, comme ça. Voilà. Enfin, je vous montre les manières de le comprendre, hein, ce phénomène. Bon. Pour se rappeler. Oui. Non, je voulais montrer que c'était une méthode, hein. C'était pas la réalité, mais ça approchait. On se sert de ça parce que ça permet d'avancer et puis de créer, si vous voulez, de visualiser, quoi, de se créer des images. Ça fait partie d'un nouvel imaginaire. Des perspectives, tu l'as bien écrit. Ah, la perspective, oui, c'est ça. Ça, c'était une méthode. C'est quand il est né l'idée de l'espace, après il naîtra l'idée de temps. Ça, c'est dans, si vous voulez, dans l'esthétique. Si tu veux, dans l'esthétique, hein, ça, je veux dire, c'est dans le domaine des arts, de la prise de conscience de la réalité. Hein. Bon. Alors, au sujet de l'autorité, ben, ça, c'était le grand sujet de Bakounine. Hein. On en a parlé tout à l'heure, là. Je crois, tout se base, si vous voulez, dans sa vie, contre un combat contre l'autorité, le mal absolu, disait-il, qui gouverne les actes et les pensées de l'homme et de la société. Et pour cela, il a cherché à trouver Bakounine, la racine de cette autorité. Parce que cette autorité, pour lui, entravait un développement harmonieux, aussi bien de la société que de l'individu. Alors, il commence par la religion. Dieu, la religion, histoire... ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure, au sujet de la ciel... il faut vous faire dialectique. Moi, j'ai perdu mes papiers, hein, là, je perds les pédales. Oui. Enfin, ça fait rien, j'essaie quand même. Bon, ben, je crois que il vaut mieux que je me fie à ce que j'ai écrit qui est le plus cohérent. Ah oui, alors, pour se résumer, c'est justement, il y a un texte que je ne trouve plus là. Ah oui, c'était au sujet de philosophie. Il s'est également expliqué sur ça, parce qu'enfin on peut dire que Bakounine n'a pas toujours fait de la philosophie, et pourtant vers les années 70-71, il écrivait « La philosophie rationnelle ou science universelle ne procède pas aristocratiquement ni autoritairement, comme feu métaphysique. » Vous voyez, toujours les mots d'autorité, hein, « comme feu métaphysique. Celle-ci s'organise toujours de haut en bas, la métaphysique. » par voie de déduction et de synthèse. Celle-ci s'organisant toujours de haut en bas par voie de déduction ou de synthèse, prétendait bien reconnaître l'autonomie et la liberté des sciences particulières, mais de fait, elle les gênait horriblement, jusqu'au point de leur imposer des lois et même des faits qui étaient souvent impossibles de retrouver dans la nature et de les empêcher de se livrer à des expériences. Alors, dont les résultats auraient pu réduire toutes les spéculations au néant. La métaphysique, comme on le voit, agissait suivant la méthode des états centralisés. Alors la philosophie rationnelle, au contraire, c'est la sienne, hein, celle qu'il imagine, est une science toute démocratique. Elle s'organise de bas en haut, librement, et a pour fondement unique l'expérience. Rien de ce qui n'a été réellement analysé et confirmé par l'expérience ou par la sévère critique ne peut être par elle accepté. Par conséquent, Dieu, l'infini, l'absolu, tous ces objets tant aimés de la métaphysique sont absolument éliminés de son sein. Elle s'en détourne avec indifférence, les regardant comme autant de mirages de fantômes, mais comme des mirages et des fantômes font une partie essentielle du développement de l'esprit humain, puisque l'homme n'arrive ordinairement à la constance de la vérité simple qu'après avoir imaginé c'est moi qui ai souligné, là, épuiser toutes les illusions possibles, et comme l'esprit humain est un objet réel de la science, la philosophie naturelle leur assigne leur vraie place, la vraie place de la métaphysique, de la religion, et au point de vue de l'histoire, et s'efforce de nous montrer en même temps les causes tant psychologiques et historiques qui expliquent la naissance, le développement, la décadence de ces idées religieuses, métaphysiques, aussi bien que leur nécessité relative. C'est-à-dire, l'esprit humain est passé par, n'a pas été directement au but, quoi, de sa libération. Par exemple, étant parti de l'animalité, qui me l'a dit à un certain moment, il est passé par une phase transitoire qui était celle de la religion, mais c'est ce qui lui a permis de, d'évoluer, et puis il aspire à devenir, ça c'est la thèse, c'était l'animalité, l'antithèse, c'était la religion, et la synthèse, ce sera, si vous voulez, l'harmonie sociale et par la liberté. La révolution. L'harmonie sociale par la liberté. Non, mais ça c'est la fin de l'histoire, hein, pour lui. Ah oui, mais il faut, ça c'est le moyen, ça c'est autre chose, hein, c'est le moyen. Alors, la philosophie naturelle leur assigne leur vraie place à la métaphysique, à la religion, à tous ces trucs-là, hein, et à l'autorité. Et s'efforce de nous montrer en même temps les causes tant physiologiques et qu'historiques qui en expliquent la naissance, le développement, la décadence des idées religieuses et métaphysiques, aussi bien que leur nécessité relative et transitoire dans l'évolution de l'esprit humain. De cette manière, elle leur rend toute la justice à laquelle elles ont droit, puis elles s'en détournent pour toujours. Son objet, c'est le monde réel connu. Aux yeux du philosophe rationnel, il n'est qu'un être au monde et une science. Par conséquent, il tient à embrasser... Alors, un être avec un E majuscule, hein, parce que c'est la nature et puis tout ce qui découle de la nature. Hein. Au monde et une science. Par conséquent, il tient à embrasser et à coordonner toutes les sciences particulières en un seul système. Cette coordonnance de toutes les sciences positives en un seul savoir humain constitue la philosophie positive ou science universelle. Héritière en même temps négation absolue de la religion, de la métaphysique, cette philosophie, la philosophie positive, quoi, pressentie et préparée depuis longtemps par les plus hauts esprits, fut conçue pour la première fois comme un système complet par un grand penseur français, Auguste Comte, qui en traça le premier le plan d'une main savante et hardie. Enfin, ça, il écrivait ça à une époque, après il a changé d'idée sur Proudhon, sur Auguste Comte. Hein. Bon, alors, de toute sa vie de militant, je vous ai dit... alors, vous avez vu que, bon, mais c'est quand même un philosophe, hein, il écrivait ça vers les années 70, parce qu'il essaie de parler de philosophie rationnelle, ensuite de philosophie naturelle, et ensuite de philosophie positive. Alors, c'est ce que j'ai voulu montrer en action, hein, ce que j'ai dit là. Je l'ai montré en action, par exemple, on va prendre pour le problème de l'autorité. On n'est pas trop en retard, là? Quelle heure est-il? Je peux continuer encore une demi-heure. À moins qu'il y ait quelqu'un qui demande des explications. Ah oui, quelqu'un qui demande une explication sur la formation de Bakounine. Ça a été un peu chaotique, mon histoire. Je vous ai supposé qu'il va vous dire une conclusion. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors, bien, alors, oui, alors, toute sa vie de militant, le philosophe positif, notre Bakounine, doit lutter contre l'autorité, le mal absolu, hein, disait-il. Alors, ça commençait par Dieu. Eh bien, la religion est une folie collective d'autant plus puissante qu'elle est traditionnelle et que son origine se perd dans l'antiquité la plus reculée. Ça c'était une force très... c'est certainement la force, hein, les habitudes. Une croyance générale, si sotte qu'elle soit, exerce toujours une influence très puissante sur la destinée des hommes pour qu'il nous soit permis de l'ignorer ou d'en faire abstraction. C'est-à-dire, il faut prendre en compte, hein. Cette croyance nous prouve que l'homme peut exercer longtemps ses facultés mentales avant de se rendre compte de la manière dont il les exerce. Alors là, c'est lui, hein, il parle de lui, là. Il faut penser à ses souvenirs personnels, là, quand il était en pleine dérive spiritualiste, là. Et il a exercé souvent ses facultés mentales Mais en fait, bon, ben, ça tournait à vide, quoi. Il pédalait dans le vide. À mesure que les idées humaines se développent, les dieux qui n'ont jamais été créés et que l'image n'est jamais été que l'image inversée, s'idéalisent aussi. D'abord fétiche grossier, ils deviennent esprit pur et finissent par se fondre dans un seul être divin, créateur et maître des mondes. Ce qui est difficile dans le développement historique de cette terrible folie religieuse qui continue de nous obséder, c'est de poser un monde divin tel quel en dehors du monde réel. Les dieux païens, alors là il va s'expliquer, hein, les dieux païens étaient des dieux régionaux. Alors le dieu juif ne niait pas l'existence de ses rivaux, simplement il ne voulait pas que son peuple les adorât. Son premier commandement fut celui-ci, « Je suis ton dieu et tu n'adoreras d'autres dieux que moi. » C'est bien vu cette affaire-là. Hein. Parce qu'on voit, par exemple, à remarquer l'éveil des nationalités, par exemple israéliennes ou arabes, les dieux ont toujours cette partie-là de caractère national. Hein, un dieu a souvent cette partie de caractère national. Hein. Mais je ne parle pas pour la religion chrétienne, mais enfin bon, on essaie de leur donner, de faire une régression, en ce sens que les dieux, par exemple, je parle pour le monde arabe, on s'en sert pour faire une nationalité, c'est pas la religion, une nationalité arabe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est pas du tout péjoratif hein, ce que je veux dire, mais on s'aperçoit qu'il avait fait une bonne analyse. Hein. Oui, c'est-à-dire l'analyse qu'il a fait, hein, ça, c'est très bien, la religion, comme tu as dit, c'est de la folie collective. Ah oui, oui, bah, oui là, c'est ça, oui. Oui. Là, ça alors, Jéhovah, alors... Exemple tous les jours. C'est ça, exactement. Ben oui, bien sûr. Aussi. Exactement, voilà, c'est ça, oui. Jéhovah ne fut donc qu'une ébauche matérielle et très grossière et de l'idéalisme moderne. Pour la Alors, c'est là qu'il étudie la manière dont s'est constituée la dernière et des grandes religions, qui est la religion catholique. Hein. Il prend successivement à travers les siècles. Hein. Il fait un espèce de parcours, un espèce de journaliste historien à travers les siècles. Alors, bon, Jéhovah était le première ébauche matérielle et très grossière de l'idéalisme moderne. Pour la réalisation du culte de l'être suprême, il a fallu deux choses. Une réalisation telle que l'humanité, par la négation des nationalités et des cultes nationaux, alors premièrement, un développement déjà très avancé des idées métaphysiques pour spiritualiser le Jéhovah si grossier des Juifs. La première fut remplie par les Romains d'une manière très négative. Alors la première, c'est la réalisation, une réalisation telle qu'une humanité par la négation des nationalités et des cultes. Alors si vous voulez, l'Empire romain a défait les nationalisés, hein, parce qu'il a couvert toute l'étendue du monde connu de l'époque. Hein. Donc il a fait un genre d'universel. Alors, la première fut remplie par les Romains, d'une manière très négative sans doute, par la conquête de la plus grande partie du monde connu, il l'a dit, et la destruction de leur institution nationale. Quant à la seconde condition, la spiritualisation de Jéhovah, elle fut réalisée par les Grecs, bien avant la conquête de leur pays par les Romains. La Grèce, à son berceau historique, avait reçu de l'Orient un monde divin, qui s'était définitivement établi dans la foi traditionnelle de ses peuples. Les Grecs laissèrent les dieux en dehors de leur spéculation et s'attachèrent directement à l'idée divine, une indivisible, toute puissante, éternelle, absolument spiritualiste et non personnelle. Les métaphysiciens grecs furent donc, beaucoup plus que les juifs, les créateurs d'un dieu chrétien. Les juifs n'ajoutèrent que la brutale personne de leur Jéhovah. Il en veut à Jéhovah, lui. Hein. Bon, alors, ainsi, l'égoïsme personnel et grossier de Jéhovah, la domination brutale et non moins grossière des Romains, et l'idéale spéculation métaphysique des Grecs, matérialisée par le contact de l'Orient, tels furent les trois éléments historiques qui constituèrent la religion spiritualiste des chrétiens. Pour féconder les éléments historiques, pour leur faire parcourir une série de transformations, il fallut un fait vivant, spontané, c'est-à-dire qu'il fallait que ça rentre dans la vie. Il y avait des idées, mais il fallait que ça rentre dans la vie. Le fait sans lequel il aurait pu rester bien des siècles encore à l'état d'élément improductif. Le fait ne manqua pas au christianisme. Ce fut la propagande du martyr de la mort de Jésus-Christ. La propagande du martyr de la mort de Jésus-Christ. Nous savons presque rien de ce personnage. Ce qui est certain, c'est qu'il fut le prêcheur du pauvre peuple. Il promit la vie éternelle à ceux qui souffrent. Ça, c'était l'idée. Il fut pendu comme de raison par le représentant de la morale officielle et de l'ordre public. Leur propagande, celle des disciples, la plus large, s'exerça presque exclusivement dans le peuple malheureux, abruti par l'esclavage. Ce fut la première révolte principielle du prolétariat en même temps. Le prolétariat converti en constituait la puissance matérielle, mais non la pensée théorique. Quant aux dogmes des chrétiens, ils furent élaborés dans une série de travaux théologiens, littéraires, conciles, principalement par les néo-platoniciens convertis de l'Orient. Je résume cette théologie, idée d'un Dieu créateur, esprit pur, créateur suprême, existant en dehors de nous. Conséquemment, il fallait croire à l'immatérialité et l'immortalité d'une âme humaine logée dans un corps mortel dont la partie doit ressusciter avec elle, puisqu'il avait promis la vie éternelle. Il souligne tant il a été difficile même au Père de l'Église de se représenter l'esprit pur en dehors de toute forme corporelle. Il faut observer qu'en général, le caractère de tout raisonnement métaphysique et théologique est de remplacer une absurdité par une autre. Il a été heureux pour le christianisme de rencontrer le monde des esclaves. Il eut un autre bonheur, l'invasion des barbares. Durant 10 siècles, le christianisme, armé de la toute-puissance de l'Église et de l'État et sans concurrence aucune, put dépraver, abâtardir et fausser l'esprit de l'Europe, cette double croyance, Dieu esprit créateur et immatérialité de l'âme, devint la base idéale de toute la civilisation occidentale et orientale de l'Europe, pénétra toutes les institutions et tous les détails de la vie publique et privée des castes et des masses. Il s'y incarna, pour ainsi dire, dans Dieu et l'État. Bakounine s'explique sur cette analyse. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt des masses, c'est celui de la santé de notre propre esprit que nous devons comprendre la genèse historique, les successions des causes et qui ont produit l'idée de Dieu. Car selon Bakounine, nous pourrions